Tout le monde est prêt. Moteur. Action! Mauvais jour à tous. Mauvais jour. Malvenue à vous à cette réunion des suicidaires anonymes. Après Kevin et sa maman Martine, c'est Bernard qui a choisi la corde. Applaudissons Bernard pour sa bravoure. Tu n'applaudis pas Marguerite ? Non. Pourquoi ? Parce que hier, je me suis sentie bien. Ah bon ? Raconte-nous. Eh bien, j'étais dans mon fauteuil et je pensais à la mort. Nous y pensons tous. Et puis j'ai allumé la TV et je suis tombée sur Plus belle la vie. Et je peux dire que je me suis sentie bien. Tu t'es sentie bien ? Oui, vivante, je me suis dit qu'il y avait encore une possibilité pour moi. Une possibilité ? Quelle possibilité ? As-tu déjà regardé ta vie, hein ? Ta mère, suicidée. Ton père, alcoolique. Il te bat en plus. Alors, quelles sont tes raisons de vivre ? Je ne sais pas, je me suis dit qu'il y avait toujours une étincelle et que je pourrais me lever et reconstruire une meilleure vie. Foutaise ! Personne ne pense comme elle, bien évidemment. Ben, moi, hier, j'ai aussi allumé la télé avec un paquet de chips et j'ai regardé Les Feux de l'amour. Je me sentais aussi très bien. J'étais à l'aise. À l'aise ? Toi, tu es restée normale quand même. Ben, non. Moi, j'ai regardé les Schtroumpfs et ça m'a fait remonter en enfance et je me suis sentie... très bien. Très bien ? Vous parlez de vous sentir bien alors que votre voix est la voix du suicide. Non, moi je veux vivre. Ben non, voyons, c'est une blague. Hé ! Oh, revenez ! Revenez ! Bon. Bernard, ordre du jour, s'il te plaît. Couper